Le Nouveau Monde, la frontière du Royaume des Halles. Comment elle va ? Elle vit, c'est le principal. Mais elle ne tiendra pas longtemps comme ça, il faut que je la ramène à Eol. Laisse-moi voir, Berthold. Voir quoi ? Sa blessure, elle a été touchée à la poitrine. Regarde, la dent d'Ura est rentrée juste ici. Elle... Bon Dieu, où est Squeak ? Oh oh oh, pas bon du tout ça, pas bon. Je ramène Mila à Eol. Toi, va retrouver Squeak et préviens-le. Tu crois qu'elle va s'en sortir ? Hein ? Elle va s'en sortir ? Non. Dépêche-toi de prévenir Squeak. Oh oh, pas bon du tout ça. Allez, Bender, bouge tes ailes. J'y vais. Allez, hop, décollage. Bref, wesh. C'est ma cabane. Booze, il n'était pas mort. Il avait échappé au rat, il avait pu sortir de la galerie est. Et il m'avait sauvé d'un rat. Booze, mon vieil ami. Nous avions gravi un arbre à l'aide d'une corde tressée, et au bout d'une branche, une petite caverne avait été creusée. La maison de fortune de ce bon vieux Booze. Comment ? Enfin, je veux dire, qui ? Tu me comprends ? Non, pas vraiment. Comment t'as survécu ? Comment t'es arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé durant tout ce mois ? Oula, je réponds à quelle question d'abord ? Je sais pas. Bon, allez, rentre. Faut retrouver Mila, elle va s'inquiéter. Et puis il y a Berthold aussi, et je sais pas, quand je suis parti, il restait encore un rat debout, je crois. J'espère qu'ils ont réussi à le maîtriser. S'il y a encore des rats, vaut mieux attendre un peu avant de sortir. À moins que le jour se lève. Avec ma patte folle, je crois pas qu'on pourra leur échapper bien longtemps. Il avait changé. Quelque chose en lui semblait changer. Il me montrait sa jambe blessée. Un rat l'avait mordu, avait-il dit. Nous sommes rentrés dans l'arbre. Sa petite caverne était chaleureuse. Une grande feuille lui servait de lit. Ici et là, des coquilles de glands, des brins d'herbe séchées. Une maison de fortune. Nous nous sommes assis. Bon, qui commence à raconter son histoire ? Toi. Moi ? Il baissa la tête. Qu'avait-il pu vivre seul ? Moi, j'avais eu Mila. Une présence, un réconfort. Eh bien, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie, Squeak. J'ai vraiment cru mourir. Oh, il m'arrache les jambes, Squeak. Ça me fait mal aux jambes. Je fais ce que je peux, je... Non, Squeak, c'est ton nouveau monde, pas le mien. Non, je te laisse pas, tu crois pas là que je vais Squeak, te... Squeak, il me fait mal. T'arriveras pas à me remonter. Et si t'arrivais, t'emmènes le rat avec nous. Comment on fait après, hein? Tu t'es pas battu contre un rat sans aucune arme. Je te lâcherai pas! Alors c'est moi qui te lâche! Non! Booze! Ne fais pas ça, je te l'ordonne! Je suis la fille du grand dirigeant, tu m'obéis! Et si tu remontes, je te fais un bisou sur la joue! Désolé, Squeak! Booze! On tenait au bord du vide. Tu étais dans le Nouveau Monde, moi encore dans le nôtre. Dans la galerie Est, dans l'une des nombreuses galeries du monde des Bifrich. J'ai lâché ta main. Aïe ! Oh, ça fait mal ! Ben ouais ! C'est mes griffes et elles vont te découper ! Squeak ! T'avais beau tenir de toutes tes forces, j'avais trop mal, Squeak. J'avais trop peur aussi, je crois, de quitter notre monde. D'oublier Wish City, d'être condamné à l'exil. Autant mourir, pour vous protéger, Mila et toi. Booze, non ! Je suis tombé. Je te voyais, la main tendue vers moi. Mais je pouvais pas, Squeak. Je pouvais pas monter avec vous là-haut, dans le Nouveau Monde qui t'avait tant fait rêver. Alors, en tombant, j'attendais la mort. Je sentais le vent siffler à mes oreilles. Le Nouveau Monde s'éloignait, les hurlements des rats s'approchaient et boum. Aïe ! J'ai touché le sol. En fait, je croyais avoir touché le sol. En vérité, j'étais tombé sur le rat qui nous avait poursuivis. Le même rat qui m'avait attrapé la jambe. J'ai senti ses os craquer. Sa gueule m'a chopé la jambe. J'ai eu si mal, encore une fois. Tous les rats s'énervaient autour de moi, mais ils n'avaient Dieu que pour vous deux tout en haut. Ils grimpaient comme des fous. Je pensais que... Enfin, je me suis dit que c'était fini pour nous trois. Que même si j'avais laissé ma vie, c'était fini pour vous. Malgré la douleur, j'ai roulé sur le sol, glissant sur le cadavre du rat qui avait amorti ma chute et... J'ai roulé sur un tractopelle. Les rats passaient, des ombres juste devant moi. J'avais si mal partout, à la tête, tous mes membres. C'était que de la douleur. Tu te rends compte, Squeak ? C'est pas joyeux tout ça. Si bien que je me suis évanoui. Les rats, vous, tout ça a laissé place au noir complet. Bah, il faut y